Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un fait divers dont vous n'avez sans doute pas entendu parler aussi peu, mais derrière lequel pourtant se cache un incroyable thriller et un scandale d'État. Le 17 décembre 2012, une femme est retrouvée chez elle, prostrée sur une chaise. Elle a les mains ligotées dans le dos, du scotch sur la bouche, des collants baissés au niveau de ses mollets et le manche d'un couteau enfoncé dans le vagin. Et sur son ventre, on découvre la lettre A tracée par un objet tranchant. Simple agression, barbare. Non, car la femme en question n'est pas une victime comme les autres. Elle, c'est Maureen Kearney, syndicaliste pour le géant français du nucléaire, Areva. Or, dans les mois qui précèdent cet épisode dramatique, elle menait une bataille acharnée pour dénoncer un accord industriel secret qui allait porter préjudice aux emplois de son entreprise et aux intérêts stratégiques de la France. La syndicaliste se savait surveillée. Elle avait déjà reçu des menaces. C'est donc une plongée dans les coulisses de la France industrielle que propose cette histoire, ses secrets, ses manigances, ses coups bas. Quant à l'agression de la syndicaliste, elle va connaître un surprenant rebondissement judiciaire qui témoigne sans doute des enjeux et des pressions autour de ce dossier, afin qu'enfin la vérité n'éclate au grand jour et que l'honneur de cette femme lui soit rendu. Reste bien sûr le traumatisme. Nous invitons aujourd'hui Maureen Kearney elle-même, le personnage central de cette histoire, et la journaliste Caroline Michel-Aguirre, responsable du service investigation à l'Obs, autrice d'un livre sur cette affaire intitulé « La syndicaliste » paru l'an dernier aux éditions Stock. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne Guyen. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Les Français, en ce 6 mai, viennent de choisir le changement en me portant à la présidence de la République. Dimanche 6 mai 2012, François Hollande accède à l'Élysée. 17 ans après François Mitterrand, le Parti Socialiste revient au pouvoir. Sur le bureau du nouveau chef de l'État, plusieurs dossiers sensibles, et parmi eux, le nucléaire. Depuis la catastrophe de Fukushima, un an plus tôt, le sujet a ravivé certaines craintes et inquiétudes au sein de la population. Lors de sa campagne, le candidat Hollande avait clamé que s'il était élu, il réduirait la dépendance du pays par rapport à l'atome. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, bien sûr. En France, le nucléaire demeure un secteur industriel à la portée considérable et sur lequel règne une grande opacité. Les enjeux économiques, stratégiques, géostratégiques sont énormes. En termes d'emploi également, vu que la France est le pays le plus équipé du monde en sites nucléaires, en tout cas par rapport à sa superficie. Où que l'on vive dans ce pays, on est rarement à plus de 100 km d'une centrale. Bref. Face aux protestations d'une partie de sa propre majorité, François Hollande est contraint de faire machine arrière. Il n'ignore pas non plus qu'en coulisses, les deux grands acteurs de la filière, Areva et EDF, le premier en charge des centrales et le second de la distribution de l'énergie, se livrent une guerre fratricide. Areva d'un côté donc, le fleuron français de l'atome, emmené par Luc Courcel qui a remplacé Anne Auvergeon. De l'autre, EDF, l'électricien de France, dirigé d'une poigne de fer par Henri Proglio. Voilà des années que les deux géants d'énergie se sont lancés dans un conflit d'égo entre leurs dirigeants. Illustration de cette stratégie destructrice, en 2010, à Abu Dhabi, la France, qui fait pourtant figure de favori pour construire 4 centrales, perd la bataille face à la Corée. Le manque de cohésion du projet développé par Areva et EDF se voit comme le nez au milieu de la figure. L'échec industriel est retentissant. Auditionné par la Commission des affaires économiques du Sénat en décembre 2010, le président d'EDF, Henri Proglio, est pointé du doigt d'ailleurs. Le sénateur Ladislas Poniatowski ne mâche pas ses mots et critique la stratégie du président d'EDF. Le pragmatisme dont nous faisions preuve auparavant, c'est-à-dire, de temps en temps, c'était vous qui étiez chef de file et porte-drapeau. Dans d'autres circonstances, c'était Areva. Était un pragmatisme pas si mauvais que ça. En Inde, je pense que ce serait une erreur que ce soit vous qui soyez le porte-drapeau, compte tenu que vous faites peur à l'électricien indien et que les Indiens veulent un partenariat avec Areva. Toujours en 2010, après l'épisode d'Abu Dhabi, c'est en Asie que va se déplacer l'opposition qui sévit entre EDF et Areva. Sur la base de rumeurs étayées par des informations internes à EDF, plusieurs salariés d'Areva accusent l'électricien de négocier un partenariat secret avec un consortium chinois, histoire de vendre une centaine de centrales nucléaires à la Chine et, en échange, lui céder une partie de la technologie atomique française qui va avec. Transfert de technologie. Le problème, c'est que la technologie en question n'appartient pas à EDF, mais à Areva, déjà. Et puis, s'il y a transfert de compétences, ce contrat chinois pourrait déboucher sur des pertes d'emplois chez Areva. Alerté, l'État intervient et siffle la fin de la partie. Ouf ! Sauf que 2 ans plus tard, au début de l'été 2012, après l'arrivée de François Hollande à l'Élysée, des rumeurs insinuent qu'EDF continuerait à négocier avec les Chinois. Parmi ceux qui vont monter au front pour dénoncer le scandale, il y a la secrétaire du comité de groupe européen d'Areva, Maureen Kearney, et le coordinateur du syndicat CFDT, Jean-Pierre Bachmann. Preuve que leur persévérance paie. À la mi-juin, Maureen Kearney rencontre le ministre des Affaires européennes, Bernard Cazeneuve. Puis elle s'entretient avec son collègue chargé du redressement productif au gouvernement, Arnaud Montebourg. Monsieur le ministre, j'ai demandé à vous voir car les salariés d'Areva sont très inquiets au sujet des négociations entre EDF et la Chine. Selon nos sources, voilà 2 ans qu'EDF tente d'arriver à un accord pour concevoir un réacteur de moyenne puissance avec les Chinois. Et si accord il y avait, cela se ferait à notre détriment. Nos ingénieurs craignent le pillage de technologies. Écoutez Maureen, je sais que l'ambiance à l'intérieur de votre entreprise est déplorable et que tout le monde est à couteau tiré. Pour moi, la priorité, c'est qu'Areva arrive à boucler son opération au sujet de l'EPR finlandais. Mais je comprends votre inquiétude et votre souci d'éviter les transferts de technologie. J'ai prévu de convoquer tout le monde ici, Henri Proglio et Luc Courcel. Je vais les questionner et leur expliquer droit dans les yeux que je suis le seul chef de file du nucléaire français. Et que rien ne doit se faire sans notre accord. La situation est sous contrôle, ne vous inquiétez pas. À 58 ans, Maureen Kearney est une femme respectée, tant en interne chez Areva que sur la scène industrielle française. Elle travaille pour le géant du nucléaire depuis les années 90. D'abord comme professeure d'anglais pour les cadres, ensuite comme représentante syndicale et désormais comme secrétaire du comité des 75 000 salariés du groupe. Dans son carnet d'adresses, des ministres, des grands patrons, des responsables syndicaux. Appréciée et écoutée, elle est de tous les combats. Et dans cette affaire de contrat chinois, elle ne lâchera rien. À la rentrée de septembre 2012, un dirigeant d'EDF appelle la hiérarchie de Maureen Kearney à la CFDT. Et son message est clair. Il est temps qu'elle cesse. Dans les jours qui suivent, la presse s'empare de l'affaire des contrats chinois. Dans les colonnes du Nouvel Obs, la journaliste Caroline Michel-Aguirre démontre qu'Henri Proglio et EDF jouent un double jeu. Oui, loin de respecter les intérêts d'Areva, l'électricien continue à faire cavalier seul après 2010 et semble donc envisager de transférer une technologie que ne lui appartient pas, et sans l'aval de l'État. L'article du Nouvel Obs est suivi d'un autre, du Canard enchaîné cette fois, ce qui met Henri Proglio hors de lui. Le PDG d'EDF appelle les rédactions, en colère, menaçant même. Au même moment, Maureen Kearney reçoit un appel mystérieux sur son portable. À l'autre bout de la ligne, une voix anonyme lui lance « Je ne vous souhaite pas le bonsoir ». Le problème, c'est que dans les semaines qui suivent, à la mi-octobre, la syndicaliste d'Areva reçoit un courrier, une feuille extraite du journal interne d'EDF. Au milieu du texte, une photo montre le président d'Areva, Luc Courcel. Assis à sa gauche, le président d'un groupe nucléaire chinois, et enfin, le troisième homme, eh bien, c'est Henri Proglio, le PDG d'EDF. Devant eux, on voit 4 petits drapeaux français et chinois sur une table. Et la légende dit ceci, le 19 octobre, à Avignon, EDF et Areva ont signé avec le groupe chinois GNPC un accord pour la conception d'un réacteur. Maureen Kearney prend alors rendez-vous avec le PDG d'Areva. Et le face-à-face est explosif. La syndicaliste accuse Luc Courcel et lui demande de lui fournir une copie du contrat avec les Chinois. Courcel hurle qu'il la soupçonne, elle, de comploter avec l'ancienne PDG du groupe, Anne Lauvergeon, avant d'ajouter « C'est moi le plus fort, j'ai gagné cette manche ». Et pris dans un excès de rage, il saisit une chaise et la balance à travers la pièce. Dans les jours qui suivent, l'information sur la signature d'un contrat secret d'Areva avec EDF et les Chinois est reprise dans la presse. Sur France Inter, Alexandra Ben-Saïd questionne Lucourcel qui refuse de lui répondre. Fait assez exceptionnel cette semaine, vos syndicats maison ont alerté publiquement. Ils vous demandent la copie d'un accord que vous avez passé avec les Chinois, d'un accord sur un réacteur, parce qu'ils craignent des transferts de technologie. Est-ce que vous leur avez donné la copie de cet accord ? Alors la France, vous savez, travaille avec la Chine depuis 30 ans dans le domaine nucléaire. Et cette coopération, elle a été extrêmement bénéfique, à la fois pour la Chine et pour les entreprises françaises, pas seulement pour Areva, pour EDF aussi, mais pour les dizaines de PME qui ont suivi ce programme. Évidemment, tout travail avec la Chine aujourd'hui pose un certain nombre de questions et crée des inquiétudes que je comprends. Il y a un dialogue social à l'intérieur de l'entreprise. Est-ce que vous leur avez donné la copie de cet accord ? Le comité de groupe procède à la nomination d'un expert. Il y a un expert qui travaille et qui travaillera sur cet accord et à partir de là, qui donnera toutes les informations aux représentations syndicales. Donc pour l'instant, ils n'ont pas la copie. De son côté, Maureen Kearney propose aux membres du comité de groupe européen d'Areva d'assigner la direction au tribunal afin d'obtenir en urgence une copie de cet accord. Dans la foulée, Lucourcel convoque de nouveau la syndicaliste. La conversation, une fois de plus, est houleuse. L'échange tourne court. Maureen Kearney ressort de cet entretien en larmes. Vendredi 14 décembre. Fragilisée par une douleur à l'épaule après une chute accidentelle dans les locaux d'Areva, épuisée par les menaces et les convocations, Maureen Kearney est en proie au doute. Doit-elle aller jusqu'au bout, assigner sa direction en justice ? Elle doit rappeler l'avocat lundi matin pour engager la procédure. Gendarmerie, bonjour. Bonjour madame, je suis venue chez une dame faire du ménage et quand je suis arrivée, elle était ligotée sur un siège avec du scotch sur la bouche et puis un petit chapeau sur les yeux. Comment mais... Attendez, est-ce qu'elle est blessée cette dame ? Elle avait comme une sorte de triangle tailladé sur le ventre et puis elle avait un couteau dans le vagin. Pardon ? Oui, il y avait un couteau enfoncé dans son vagin. Elle avait un couteau enfoncé dans son vagin ? Oui. Bon, on va appeler tout de suite les pompiers. Donc là, actuellement, elle a le couteau dans le vagin ? Non, j'ai tiré le couteau avec un torchon. Mais est-ce qu'elle saigne, cette dame ? Non, elle saigne pas du tout, non. Parce que le couteau, c'était pas avec la lame, vous voyez ? C'était dans l'autre sens, avec le manche, qu'il était enfoncé. Lundi 17 décembre 2012, département des Yvelines, dans le ouest de Paris. Il est un peu plus de 13h lorsqu'une femme affolée appelle la gendarmerie. Les informations qu'elle livre sont glaçantes. Sans perdre un instant, les gendarmes se précipitent à l'adresse indiquée. Il s'agit d'une maison cossue, située au centre du village d'Aufargis. Sur place, dans le salon, il découvre la victime dans un état de sidération. Elle porte des marques de lacération sur son ventre. À quelques mètres d'elle, la chaise sur laquelle elle a été attachée, entravée au niveau des mains et des pieds par du scotch, est renversée. Sur la table de la cuisine, un couteau, celui que la femme de ménage dit avoir retiré du vagin de sa patronne. Dans la foulée, le SAMU prend en charge la victime, une femme d'une cinquantaine d'années. Escortée par les gendarmes, l'ambulance part pour l'hôpital de Rambouillet. Sur place, les médecins constatent les multiples traumatismes et procèdent à un examen gynécologique. L'un d'eux note alors que le discours de la victime est cohérent, sans signe interprétatif ou délirant. Elle semblait préoccupée pour sa vie. Elle répétait « Ils vont finir par me tuer ». Quelques heures plus tard, les gendarmes interrogent cette femme sur son lit d'hôpital. Premier constat, inconnu des services de police. Une femme sans histoire qui vit avec son mari et un de leurs enfants dans le pavillon d'Aufargis. À ce moment précis, la première chose que veulent comprendre les enquêteurs, ce sont les circonstances de l'agression. Allongée sur son lit, la femme leur raconte. Il était aux environs de 7 heures. J'étais dans la salle de bain en train de me laver les dents quand tout à coup, on me met quelque chose sur la tête et on me couvre les yeux avec. J'avais l'impression d'avoir un revolver dans le dos. La personne me fait asseoir sur les toilettes et met un sparadrap sur le visage. Ensuite, il me fait lever et m'emmène dans le salon en traînant une chaise. Il commence à m'attacher les pieds d'abord avec du scotch, en s'énervant. Ensuite, il m'attache les mains derrière le dos. Je ne vois rien. C'est à ce moment-là qu'il me dit qu'il n'y aura pas de troisième avertissement. Je pensais qu'il allait me tuer. Puis, il a baissé mes collants et s'est mis à tracer des lignes sur mon ventre. Enfin, il a écarté mes jambes et essayé de faire rentrer quelque chose dans mon vagin. Ça ne rentrait pas. Alors il a pris autre chose et cette fois c'est rentré. Ensuite, il s'est levé. Il n'y avait plus de bruit. J'avais l'impression qu'il était habillé en vêtements de moto, avec des gants. À la fin de son récit, la victime ajoute qu'elle se savait menacée, qu'on lui avait fait comprendre qu'elle devait arrêter de se mêler de ce qui ne la regardait pas. Mais qu'est-ce qui ne vous regardait pas, madame ? Insistent les gendarmes. Alors la victime leur dit « Je m'appelle Maureen Kearney, je suis syndicaliste chez Areva. Depuis plusieurs mois, j'enquête sur la signature d'un contrat franco-chinois. » Dans le milieu de l'après-midi, ce lundi 15-17 décembre, l'agression de Maureen Kearney se répand comme une traînée de poudre dans les couloirs des ministères. Parmi les conseillers qui connaissaient la syndicaliste, chacun y va de son hypothèse. Un coup en interne d'Areva, une vengeance d'EDF ou une opération scabreuse montée par les Chinois? Impossible à dire. Parmi ceux qui vont s'émouvoir du sort de la syndicaliste, Arnaud Montebourg, ministre du Redressement Productif. Il connaît bien Maureen. Quelques jours plus tôt, ils ont encore échangé des SMS au sujet des contrats franco-chinois. Le ministre savait que la situation chez Areva était très tendue. Il savait aussi que Maureen Kearney était victime de pression. Arnaud Montebourg appelle alors le président d'Areva, Luc Oursel, et lui passe un savon. On m'apprend que Maureen Kearney était retrouvée ligotée chez elle. Mais ça va s'arrêter quand, ce bordel avec les syndicats? C'est votre boulot de leur parler, et de garder le calme. La filière française est en train d'exploser en plein vol. Hein, et maintenant, on va avoir un accident diplomatique avec la Chine. Alors on se tire une balle dans le pied. Qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire, hein? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous croyez que c'est comme ça qu'on va les vendre, vos EPR? Dans la foulée, le ministre appelle le procureur de Versailles et lui dit « C'est du côté du contrat chinois qu'il faut chercher pour trouver l'agresseur de Madame Kearney. » Dans les jours qui suivent, les gendarmes perquisitionnent le bureau et le domicile de Maureen Kearney. Ils emportent tous les dossiers sur lesquels la syndicaliste travaillait. Puis ils procèdent à une enquête de voisinage. Dans la matinée du 17 décembre, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Ensuite, ils interrogent une dizaine de personnes de l'entourage de la victime, ainsi que l'ancienne présidente d'Areva, Anne Auvergeon. Collègues et amis de la syndicaliste parlent d'une même voix lorsqu'ils affirment que, ces dernières semaines, Maureen était sous pression, elle avait l'impression d'être surveillée, et que, d'après eux, il s'agit là d'une tentative d'intimidation. Parce que Maureen devait gêner quelqu'un, disent-ils. En parallèle, les gendarmes déterminent que tous les objets ayant servi à l'agression, le scotch, le bonnet, le couteau, ont été trouvés sur place par l'agresseur. Autrement dit, celui-ci devait connaître le lieu ou avoir fait un repérage. Maureen Kearney, elle, subit deux examens gynécologiques, dont un de reconstitution du viol. Nouveau traumatisme. Les deux rapports d'expertise présentent des conclusions légèrement différentes, mais les enquêteurs vont garder le premier, celui dans lequel le praticien estime que les traces de lacération sur le ventre ont pu être faites alors que la victime était allongée et non assise. Ce qui contredit le témoignage de la syndicaliste. Au sujet du couteau, ce même médecin ajoute « Sauf état de sidération psychologique, il est surprenant que celui-ci n'ait pas été expulsé du vagin et puisse rester in situ pendant environ 5 heures. Or, la femme de ménage a prétendu l'avoir retiré elle-même à 13 heures. » Au même moment, au siège d'Areva, dans l'une des hautes tours de l'esplanade de la Défense, Jean-Pierre Bachmann et 5 autres syndicalistes du groupe demandent un rendez-vous avec la direction. On leur fait comprendre que jamais quelqu'un chez Areva n'aurait pu aller jusqu'à commettre un tel acte. Des années plus tard, face à la caméra de complément d'enquête, Jean-Pierre Bachmann témoigne. Maureen nous dira qu'elle a reçu des messages de menaces. À l'époque, on a dit... Oui, c'est un peu bizarre, voilà. Mais en agissant au vu de tout le monde, on s'est dit, nous, on n'a pas de risque, on n'a pas d'ennemis. Donc, du coup, on n'a pas, et malheureusement, on n'a pas relevé ça comme une menace. C'est un regret qu'on a de pas avoir pris ces signes suffisamment au sérieux. Quelques jours plus tard, la nouvelle DRH d'Areva convoque à son bureau la personne qui s'apprête à remplacer Maureen Kearney au poste qu'elle occupait au comité de groupe européen. L'échange est courtois, mais à la fin... La responsable des ressources humaines lâche cette confidence. Nous pensons que l'agression de Madame Kearney est l'œuvre d'un intermédiaire qui a fait du zèle. Mais enfin, qui est ce nous et de quels intermédiaires parle-t-on ici? Cet élément troublant ne sera pas pris en considération par les gendarmes, car ces derniers sont déjà sur une autre piste. celle d'un coup monté par la syndicaliste. On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de plein rayon de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées, tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, si le monde était beau, nous l'avons caché. Des cieux embrigadés, tant de vies sacrifiées pour du cristal qui ronge. On voit des fumées hautes, des nuages possédés, des pluies oranges et mauves donnant d'affreux baisers. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons caché. Beauté, si le monde était beau, nous l'avons caché. Le 26 décembre 2012, rien ne va plus chez EDF. Le Canard Enchaîné révèle que le président de la République a demandé aux services secrets d'enquêter sur la manière dont l'électricien a négocié le contrat de vente d'un réacteur nucléaire avec les Chinois et sans l'aval de l'État. Dans les colonnes du quotidien Libération, on s'interroge sur le A retrouvé lacéré sur le ventre de Maureen Kearney. A comme Areva? Au même moment, le service de presse d'Areva menace de porter plainte contre tous ceux qui évoqueront un possible lien entre l'agression de Maureen et l'entreprise. En parallèle, des informations sur l'enquête des gendarmes fuitent. Il est question d'incohérence entre le témoignage de la victime et les premiers éléments de l'enquête. Et dans les rédactions, une étrange rumeur circule. Ce serait Anne Auvergeon qui aurait convaincu Maureen Kearney, dont elle était très proche, de faire sacrifice de son corps et de s'automutiler pour sauver Areva des griffes d'EDF. Les gendarmes de la section de recherche à Versailles, eux, n'ont que faire de ces rumeurs, car ils en sont convaincus, la syndicaliste d'Areva leur ment. Il faut donc l'interroger et la faire avouer. Dans son passé, les enquêteurs découvrent qu'elle a subi un viol à l'âge de 20 ans, qu'elle a fait une tentative de suicide, qu'elle a eu une dépendance à l'alcool. Bref, elle aurait bien le profil pour inventer un crime imaginaire. Et tant pis si l'expert psychiatre qui a examiné la syndicaliste certifie dans son rapport qu'il n'existe aucune raison de mettre en doute les propos de la victime. Rien n'y fait. L'enquête en flagrance ouverte pour viol et agression débouche sur un non-lieu. Dans la foulée, on ouvre une enquête préliminaire pour dénonciation de crimes imaginaires. Le 23 janvier 2013, en début de matinée, un mois après l'agression, Maureen Kearney et son mari Gilles sont convoqués à la gendarmerie. Une fois sur place, le couple est séparé et interrogé par trois groupes d'enquêteurs. Les gendarmes jouent aux gentils flics ou aux méchants flics, ça dépend. Ils utilisent des méthodes musclées également, comme en témoignera après coup le mari de la syndicaliste. Quand on arrive là-bas, donc, ils prennent Maureen à part et ils me disent « Voilà, votre femme est mise en garde à vue pour dénonciation de crimes imaginaires ayant entraîné de vaines poursuites. » Et moi, je suis dans une autre pièce avec deux gendarmes qui m'expliquent ce qui s'est passé. Vous voyez comment sont torsadés les liens, c'est bien la preuve qu'elle l'a fait elle-même derrière son dos. On sait rien, les liens torsadés. Maureen, elle a la douleur à l'épaule depuis des semaines. Enfin, pas une seconde au niveau physique, je vois Maureen faire ça. Est-ce que c'est possible ? Peut-être. Est-ce que c'est probable ? Non, je pense pas. Vraiment, je pense pas, quoi. Sauf que, évidemment, ils utilisent les acquiescements ou le truc où je dis oui, c'est possible, en allant dire à Maureen, c'est pas que c'est possible, ils pensent que. Ce qui, évidemment, est très très différent. Pendant plus de 10 heures, Maureen Kearney est interrogée sans relâche, les mêmes questions, encore et toujours. C'est alors que vers 17h15, se produit une scène à peine croyable. Laissée seule en salle d'interrogatoire, elle est rejointe par un homme inconnu. L'individu ne se présente pas. Il a l'air très sûr de lui, et il lui dit « Bon, maintenant il faut passer aux aveux, hein. Vous ne croyez pas que ça a trop duré ?» Et il ressort. Maureen Kearney est terrorisée, elle tremble, et lorsque les gendarmes reviennent dans la salle d'interrogatoire, elle fond en larmes et elle craque. Oui, et elle dit qu'elle ne comprend pas ce qui s'est passé, qu'elle ne se souvient pas, mais qu'elle a dû inventer toute son agression. Voilà, les gendarmes ont enfin leurs aveux. Mais pour autant, tiennent-ils la vérité ? Lundi 15 mai 2017, tribunal de grande instance de Versailles. Entourée de ses amis et de sa famille, Maureen Kearney est comparée dans le box des prévenus. Oui, pas sur le banc des victimes. Car le procès qui s'ouvre aujourd'hui devant la 8e chambre correctionnelle n'est pas celui de son agression ni de son viol, non, c'est celui d'une dénonciation mensongère présumée. Entre-temps, les négociations entre EDF, Areva et le consortium chinois ont été abandonnées. Et Areva, fleuron français du nucléaire, s'est effondré, criblé de dettes et victime de l'échec de sa stratégie sur l'EPR. De nombreux journalistes sont présents pour l'audience. De l'avis de certains, le dossier Kearney embarrasse. C'est bien simple, entre les faits, l'agression et le procès, 5 ans se sont déroulés. Thibault de Montbrial, l'avocat de Maureen Kearney, a apporté un rapport d'expertise médicale de juin 2015 qui stipule qu'au moment des faits, en décembre 2012 donc, Maureen Kearney souffrait de l'épaule droite et qu'elle était donc entravée dans ses mouvements. Pour l'avocat, cette blessure est la preuve que sa cliente n'a pas pu s'attacher les mains toute seule et encore moins se mettre des menottes au poignet, comme l'insinuent les gendarmes. La juge, c'est Chantal Charbot. Magistrate expérimentée, elle est réputée sévère mais juste. Aussi, lorsque Maureen Kearney se présente face à elle, à la barre, elle pense avoir enfin la chance de s'exprimer, de se défendre. Mais rien ne va se dérouler comme elle l'espérait. Madame Kearney, qu'avez-vous à répondre à l'accusation de dénonciation de crimes imaginaires ? Je suis innocente des charges qui pèsent contre moi. J'ai été violemment agressée le 17 décembre 2012. À quelle heure cela s'est-il passé ? Je ne me rappelle pas l'heure. Je suis désolée. D'après ce que j'ai lu dans le dossier, ça devait être entre 6h et 7h du matin. Je ne vous demande pas ce que vous avez lu ou appris par cœur avec votre avocat. Je vous demande ce dont vous vous souvenez. Je ne me rappelle pas. Je suis désolée, Madame la Présidente. J'ai perdu beaucoup de mes souvenirs. C'est le noir, la terreur totale. Quand vous pensez être face à la mort, il n'y a pas de mots pour expliquer la terreur qui vient. À l'issue de ce premier échange entre la présidente du tribunal et la prévenue, un silence pesant s'installe. Pour Chantal Charbot, le geste de Maureen Kearney s'apparente à l'ultime moyen d'expression de son impuissance par rapport à une situation dans son entreprise qui l'a dépassée. Bon. Puis elle enchaîne les questions. Maureen Kearney est ébranlée, elle vacille. Alors son avocat se précipite pour lui apporter une chaise. Vous êtes décrite comme obnubilée par ce contrat entre EDF et les Chinois. Votre fille a dit que vous aviez des tendances suicidaires. Laissez-moi vous dire ce que je pense. Vous étiez déstabilisée par le contexte et assez dépressive. Vous avez commencé un traitement aux antidépresseurs. Est-ce que ça vous provoque des rêves, ces médicaments ? Non, non, Madame la Présidente, je ne rêvais pas. Comment expliquez-vous alors que quelqu'un vienne les mains vides pour vous agresser ? Je n'explique pas, Madame. Je n'ai jamais agressé personne. L'agresseur a commencé par vous attacher les pieds, dites-vous, avant de vous attacher les mains. Ce n'est pas très logique. Tout comme ce n'est pas très logique de le faire avec du scotch, c'est plutôt compatible avec des liens que vous auriez fait vous-même. Je n'ai pas fait les liens moi-même. Non, ce n'est pas vrai. Vous dites qu'il vous a baissé votre collant. Il aurait été plus pratique de le déchirer, surtout s'il avait un couteau en main. Vous ne portiez pas de culotte sous votre collant. Autre incohérence. D'après vous, il se serait passé 6 heures entre votre agression et l'arrivée de la femme de ménage. 6 heures pendant lesquelles vous n'auriez eu aucune réaction physiologique pour expulser le couteau de votre vagin ? Maureen Carney se met à pleurer en silence. Elle presse ses bras contre son ventre, face à la juge. Elle ne répond plus, elle ne se justifie plus, elle ne se révolte plus, parce que elle est épuisée, brisée, incapable de trouver la force pour convaincre qu'elle dit la vérité. Les débats se poursuivent avec l'audition de 3 personnes. Il y a là des amis de l'ancienne syndicaliste et un ancien collègue. Chacun leur tour, ils affirment tous que non, Maureen n'a pas pu inventer son agression. Puis c'est au tour de l'avocat, Montbrial. Il revient sur l'enquête, qu'il affirme bâclée. Puis sur le travail des gendarmes, qu'il accuse de s'être fourvoyé dans des procédés scandaleux en tentant d'intimider Maureen pour obtenir une confession. Et il conclut par ces mots... Qu'on arrête ici de faire le procès de ma cliente qui est en réalité une victime. Qu'on arrête de vouloir nous faire croire que telle une magicienne, elle aurait été capable de s'attacher les mains dans le dos. Maureen Carney n'est pas Gérard Majax. 1 mois et demi plus tard, le verdict tombe. Coupable. L'ex-syndicaliste est écope de 5 mois de prison avec sursis et d'une amende de 5 000 euros pour avoir inventé son agression et son viol. Moins d'un an après le premier jugement, le procès en appel s'ouvre en septembre 2018. Face à la cour, le nouvel avocat de Maureen Carney, Hervé Temune, dévoile les éléments qui discréditent l'enquête des gendarmes. Les scellés avec l'ADN retrouvés sur la scène du crime n'ont jamais été expertisés. Pire, ils ont été déclarés perdus. Ce qui n'a pas empêché les enquêteurs, dans leur procès verbal, d'affirmer que les traces génétiques retrouvées chez les Carney appartiennent exclusivement à Maureen et aux membres de sa famille. L'avocat affirme aussi que le dossier d'instruction comporte une erreur dans le nombre d'empreintes digitales retrouvées au domicile de Maureen Carney. 2 mois plus tard, le 7 novembre 2018, la cour d'appel de Versailles l'acquitte. Dans son jugement, elle dénonce les carences manifestes de l'enquête. À 63 ans, l'honneur de l'ex-syndicaliste est rétabli, mais le préjudice de son agression est toujours là. Alors, pour tenter d'avancer, se reconstruire, probablement, Maureen Carney refuse de déposer une nouvelle plainte pour son agression. Mais aujourd'hui encore, elle reste persuadée que c'est bien pour avoir tenté de dénoncer un scandale d'État que quelqu'un a voulu la faire taire. John met me down on the boulevard. Cause life is hard. The waves came in over my head. What you been up to, my babe? Haven't seen you around here late. All of the guys tell me lies, but you don't. You just crack another beer and pretend that you're still here. This is how to disappear. This is how to disappear. Joe met me down at the training yard. Cuts on his face 'cause he fought too hard. And now he's in over his head. But I love that man like nobody can. He moves mountains and pounds them to ground again. I watch the guys getting high as they fight for the things that they hold dear, to forget the things they fear. This is how to disappear. This is how I'm to disappear. Sensible. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'histoire de Maureen Corunet, qui est notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Ainsi que la journaliste Caroline Michel-Aguirre, responsable du service investigation à l'Obs. Bonjour. Bonjour. Vous avez écrit ce livre que je tiens entre mes mains sur cette affaire et qui s'appelle La syndicaliste, paru l'an dernier aux éditions Stock. Maureen Corunet, après tous ces tourments, j'ai une question simple à vous poser aujourd'hui. Comment allez-vous ? Je vais bien. Mmh. Et j'ai réussi à me reconstruire. Donc, je crois qu'il y a trois raisons principales pour ça. Première, thérapie. Pour tout ce qui est trauma, je crois qu'on est obligé de passer par là. Donc avec des professionnels, avec psychologues. Des psychologues. Mm-hmm. Il y a deux thérapies, un qui s'appelle Havening sur le trauma, et le deuxième, l'hypnose Erickson, qui sont les deux thérapies qui m'ont énormément aidée. Hein. Il y a aussi la présence, le soutien de ma famille, de mes amis, de la CFDT, sans faille, qui ont toujours été présents et qui sont toujours présents aujourd'hui. Et troisièmement, il y a eu quand même le procès en appel, où là, les juges étaient bienveillantes, respectueux. C'était la première fois où j'ai senti du respect dans tout l'appareil judiciaire. C'était à ce moment-là. Aujourd'hui, j'habite dans une petite ville de province. Je travaille beaucoup avec les enfants. Ouais. Donc, c'est un bonheur absolument total. Et je me sens même privilégiée. Bon. Alors, est-ce que le fait que Caroline Michel-Aguirre, ma consoeur du Nouvel Observateur, ait écrit un livre, Maureen Corunet, est-ce que ça fait partie des soutiens aussi ? Oh, tout à fait. Hein. Mmh. Caroline était là avant. Et elle était même là dès le départ, après l'agression. J'ai un vague souvenir de l'avoir rencontrée quelque part à Paris et que je tremblais et j'arrivais pas à parler. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Caroline, vous vous souvenez ? Oui, oui, c'était juste après ce que vous avez raconté, juste après les aveux, ouais. En fait, qu'elle avait fait aux gendarmes. J'avais essayé de joindre Maureen après son agression, puisqu'elle faisait partie de mes contacts. Mmh. Moi, je suivais l'énergie à l'époque, à l'Obs, donc j'avais des contacts avec les syndicalistes d'Areva, chez EDF, voilà. Donc évidemment, après l'agression, je lui avais fait des messages auxquels elle n'avait pas répondu, mais ce jour-là, c'est une amie à elle qui m'avait contactée, qui m'avait dit Maureen Corunet voudrait vous voir. Et on s'était en effet rencontrés dans un café où Maureen était toute recroquevillée sur elle-même, tremblante, et elle me disait j'ai fait des aveux, mais en fait c'est pas vrai, j'ai pas inventé mon agression. Et je lui avais dit à l'époque, mais si ce que vous avez dit est faux, il faut pas en rester là, il faut vous battre. Donc, mais c'était à une époque où les choses étaient encore un peu confuses dans l'esprit de Maureen. Elle était sous le choc, on le voyait physiquement, à la fois de l'agression et à la fois de ce qui venait de se passer en garde à vue. Alors vous aussi, vous faites des aveux. Alors ça nous renvoie à d'autres affaires de nature complètement différente, bien sûr. Mais comment une personne douée de raison, comme vous, qui sait se battre, hein, qui a pris des risques, en vient-elle à faire des aveux qui sont contraires à ce qui s'est passé ? Ça c'est quand même assez... assez effrayant, la façon dont les gendarmes, les enquêteurs ou les policiers peuvent avoir des aveux. Alors quand ça correspond à la vérité, bah tant mieux, hein, il faut aussi qu'ils puissent les avoir. Mais parfois, ça ne correspond pas à la vérité. Ou quel est le processus qui fait qu'on va faire des aveux? Alors, il faut... Intimement, c'est... puisque vous êtes là, j'ai envie de le savoir. Parce qu'on le dit souvent pour d'autres personnes, je veux savoir ce qu'on ressent à ce moment-là et ce qui se passe. Entre le jour de l'agression et le jour de la garde à vue, j'ai perdu 10 kilos et je n'avais pas dormi au-delà de 1 heure et demie. Donc le jour de la garde à vue, j'étais dans un épuisement et en terreur totale. Bon, bref, le jour de la garde à vue, c'était personne ne vous croit, ni le comité de groupe européen, ni la CFDT, ni vos amis, ni votre famille. Vous vous prenez pour qui à contrer le conseil texto, hein? C'est quelqu'un qui rencontre des chefs d'État et ça n'arrêtait pas, et ça n'arrêtait pas, et ça n'arrêtait pas. Et je refusais de dire quelque chose que je n'avais pas fait. Et à un moment, on me laisse tout seul dans le bureau. Et il y a quelqu'un qui est rentré et qui m'a dit « Si vous dites pas que c'est vous, le rouleau compresseur de la justice et Areva fera en sorte que ni vous, ni votre famille vous remettrez. » J'ai tout de suite pensé à ma fille. J'ai pensé à ma petite fille. J'ai pensé à ce que j'ai vécu et que eux également pourraient être des cibles comme j'ai pu l'être. À ce moment-là, s'il m'avait demandé de dire que j'étais Jacques l'Éventreur, j'aurais dit j'étais Jacques l'Éventreur. J'aurais fait n'importe quoi pour les protéger. Caroline Michel Aguirre, alors, vous me disiez que vous couvriez l'actualité de l'énergie au Nouvel Obs. Donc là, c'est la première raison évidente pour laquelle vous avez écrit ce livre. Mais au-delà de ça, pourquoi cette enquête, les enjeux, tout cela, c'est quoi? Enfin, on l'a dit, mais dans votre esprit. Profondément, il y avait quelque chose qui me gênait dans toute cette histoire. J'avais le sentiment que ce qui se jouait là, c'est vraiment le pire de notre société. Ça implique notre système politique, notre système économique, notre justice, le nucléaire. Il y avait quelque chose que je pouvais pas laisser passer en tant que journaliste, parce que j'avais l'impression de ne pas avoir le fin mot de l'histoire, mais plus profond. En tant que citoyenne, en tant que femme, j'avais le sentiment que on était toute Maureen Kearney quelque part, que parce que elle avait cru dans sa mission de syndicaliste et qu'elle était allée au bout parce que c'était son caractère et parce que des gens avaient cru en elle. Il faut pas oublier que c'était les 40 000 salariés d'Areva dont elle était le porte-parole. Pour ça, j'ai dit syndicaliste de haut niveau parce que vous aviez des responsabilités. Très haute, hein, des milliers de salariés représentés. Pardon, je vous ai coupé. Non, et voilà, j'avais l'impression que ce qui lui était arrivé pouvait arriver à tout le monde. Et pour cette raison-là, j'avais besoin d'avoir le fin mot de l'histoire. Oui. Voilà, et puis quand on est enquêteur, on ne peut pas laisser des parts sombres dans les histoires. Donc c'était pas possible. Je ne pouvais pas passer mon chemin et dire bon, j'ai pas tout compris, mais c'est pas grave, je vais passer à autre chose. Marine Cornet, vous. L'ambiance tendue chez Areva avec EDF, j'imagine que c'est quelque chose que les salariés ressentaient à l'époque, hein, du matin jusqu'au soir. Et vous, en tant que syndicaliste, est-ce que vous vous sentiez surveillé dans cette ambiance un peu délétère? Apparemment, moi je sais pas, j'ai jamais travaillé chez Areva, mais apparemment l'ambiance était vraiment dure, très tendue. À ce moment-là, effectivement, c'était lourd, c'était tendu. Il y avait des salariés de toutes catégories socio-professionnelles qui ne croyaient pas dans le projet de la direction générale menée par Luc Courcel. Il ne faut pas oublier non plus que le plan d'action 2016 de Luc Courcel, on est en 2012, c'était 11 EPR plus une usine de retraitement en Chine. On est en 2020, on n'est pas du tout là. Donc, on avait des cadres supérieurs, certains, qui ont manqué total de maîtrise d'eux-mêmes. Alors, ça s'exprimait par des engueulades, des cris, c'était de mise. Le ton de voix, le mépris quand ils nous parlaient, leurs argumentaires ne tenaient pas la route. Donc, effectivement... les salariés, les syndicats, nous, la CFDT, et le comité de groupe européen, on était persuadés qu'il se passait des choses dont on n'avait pas les réponses. Mmh. Et qu'on voulait vous cacher, bien sûr. Tout à fait. Caroline, Michel Aguirre, qu'est-ce que ça nous dit? Parce que c'est quand même, ça paraît quand même étrange que, en France, qui est, je vous le rappelais, le premier pays nucléaire du monde, finalement, si on fait le ratio entre le nombre d'installations nucléaires et la superficie, la France est le premier pays nucléaire civil du monde. De loin. C'est pas, c'est quelque chose. Donc, dans un pays comme ça, avec un tel enjeu autour de l'atome, comment deux mastodontes, comme EDF et Areva, peuvent-ils tirer à U et à DIA? Ça paraît fou, quand même. Ça l'est, et ça donne des histoires pareilles. Si on cherche les origines, le nucléaire est une industrie très très particulière. C'est une industrie avec des enjeux de souveraineté nationale. Il faut pas oublier que la maîtrise de l'atome, c'est ce qui permet à la France de siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies. De Gaulle l'avait voulu ainsi. Exactement. Donc c'est vraiment un enjeu très important, mais qui est, comment dire, sous la tutelle, entre les mains d'un petit groupe de fonctionnaires en France. Il faut une habilitation secret défense de niveau 2 de mémoire pour pouvoir traiter des sujets nucléaires. Donc par exemple, à l'époque dont on parle, Arnaud Montebourg, qui était ministre du redressement productif, qui avait pris la tutelle sur le nucléaire, tous ses conseillers n'ont pas accès au dossier nucléaire. C'est certains conseillers qui ont cette habilitation-là, qui peuvent s'intéresser à ces sujets-là. C'est des sujets extrêmement technique, extrêmement pointue et en même temps avec un impact très important. On a beaucoup parlé à l'époque et aujourd'hui encore de la guerre d'écho, de la guerre de pouvoir entre Anne Nouvergeon et Henri Proglio. C'est bien vrai sûr. Que c'était des présidents hors normes, hors tout ce qu'on peut connaître avec des visions, des réseaux, un charisme, une puissance hors normes. Mais derrière ça, au tout début de l'histoire, il y a en fait la volonté du pouvoir sarkozyste, Nicolas Sarkozy est élu en 2007, de mettre la main sur la filière nucléaire française, et vous l'avez rappelé très justement, vous avez parlé de ce contrat manqué en 2010 à Abu Dhabi. À cette époque-là, le patron, en tout cas tel qu'il s'est auto-désigné de la filière nucléaire française, c'est Claude Guéant, qui réunit dans son cabinet à l'Élysée, il est à l'époque secrétaire général de l'Élysée, les grands patrons du nucléaire. Pour le pouvoir sarkozyste, quelque part, il y a la volonté de faire d'Areva un nouvel elfe. C'est ma conviction. On le sent, enfin on le voit, on le constate, à la fois parce que c'est un outil de géopolitique. Nicolas Sarkozy a promis, dans ses discussions avec le colonel Kadhafi, notamment la Libye, un réacteur nucléaire. Donc on voit bien que c'est un outil de géopolitique et c'est aussi ces grands contrats internationaux en dizaines de milliards d'euros interétatiques dont on sait depuis les contrats d'armement, etc., qu'ils sont l'occasion éventuellement de commissions, de contrats, de financements. D'où le parallèle avec ELF. D'où le parallèle avec ELF. Donc, au-delà, je dirais, d'une guerre d'égo, il y a une volonté d'un pouvoir de mettre la main et en même temps, il n'a pas totalement la maîtrise parce que ça n'est pas transparent, c'est un petit groupe qui s'occupe de ça, ce qui fait cette espèce de jeu dans lequel est EDF, qui théoriquement doit tout raconter à sa tutelle, évidemment, oui. Puisque c'est une entreprise publique, tout comme Areva. Il y a des représentants de l'État, de l'APE, de l'Agence des participations de l'État, mais aussi du Quai d'Orsay à son conseil d'administration. Et en même temps, c'est des sujets tellement compliqués, tellement techniques. Les ministres, ils ont tellement d'autres choses à faire que d'aller éplucher les contrats. Eh bien, il y a cet entre-deux où EDF essaye de mener sa barque autrement. Alors, comment vous expliquez toutes les deux, commencer par vous, Maureen Cornet, la façon dont les gendarmes mènent cette enquête? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous les voyez, ces gendarmes, et que vous entendez ce qu'ils vous disent et leur méthode? Qu'est-ce qui vous passe par la tête, là? Je trouvais pas de sens. Ouais. J'étais dans un non-sens total. Et ça, c'est terrible, hein? Car en même temps, les fondations de ma vie, c'est-à-dire les valeurs universelles, l'intégrité, le respect, la coopération, étaient balayées de sous mes pieds. Donc je ne comprenais pas. Et à un tel point que pendant très longtemps, après l'agression, j'ai eu l'impression que mon corps ne m'a m'appartenait plus. Qu'on pouvait prendre mon cerveau, le mettre dans une jarre, le mettre sur une étagère et jouer le même vécu. Voilà, c'est le manque de sens. Et vous, Caroline Michel Aguirre, quelle interprétation faites-vous de la façon dont les gendarmes mènent cette enquête ? Moi, je m'en tiendrai au fait, à ce que je constate. Très vite, les gendarmes n'ont pas cru Maureen Kearney. C'est ça. Voilà. Alors, pour quelle raison ? Voilà. Je ne suis pas dans leur tête. Mais très vite, ils n'ont pas cru Maureen Kearney. Ils ont fait un certain nombre... Il y a les expertises médicales que vous avez évoquées dans votre documentaire. Mais au fond, il y a eu très vite des éléments. Le scotch qu'ils ont découvert dans la maison de Maureen Kearney, qui ressemble au scotch qui a été utilisé. On pourrait aussi imaginer que l'agresseur avait fait des repérages et utilisé le scotch trouvé sur place. Mais eux, ils trouvent ça bizarre. Ils ont fait des recherches de téléphonie. Ils n'ont pas trouvé trace des menaces que Maureen Kearney avait mentionnées. Mais en même temps, ils ont fait des recherches peut-être trop sélectives. Et surtout, il n'y a pas de trace de cet agresseur. Il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de trace de téléphonie, il n'y a pas d'empreinte. Et le raisonnement se fait un peu à l'envers. Si on n'a pas de trace d'agresseur, c'est qu'il n'y a pas d'agresseur. S'il n'y a pas d'agresseur... C'est qu'elle a inventé l'histoire. C'est qu'elle a inventé. Vraiment, ça c'est le cheminement qui a été suivi. Après, la question est peut-être de savoir s'il y a eu des pressions sur ces enquêteurs. Ce qui est sûr, c'est que c'est une enquête qui est suivie en haut lieu. C'est une enquête sous pression. C'est une enquête qui est suivie à Bercy, qui est suivie à la chancellerie, qui est suivie au service secret français. Évidemment, c'est les intérêts supérieurs de la nation. Donc, tous les soirs, enfin régulièrement, le procureur de Versailles doit tenir au courant de l'avancement de l'enquête. Donc, c'est une enquête qui est suivie vraiment de très près. Au départ, Maureen Kearney, elle est protégée par le GIGN. C'est-à-dire que des gendarmes sont là à demeure pendant un mois, jusqu'à la garde à vue, dans la cour, devant chez elle, pour la protéger. Et quand elle se déplace, elle doit se déplacer avec le GIGN. Faut imaginer la chose, quand même, pendant un mois, nuit et jour. Donc, c'est une enquête sous pression, on veut des résultats rapides. Et les gendarmes, ma conviction, c'est qu'ils n'ont pas compris les enjeux. Tout ce qu'on vient d'expliquer, les enjeux du nucléaire, la guerre, EDF, Areva, ouais. Les contrats avec les Chinois, tout ce qu'il y avait derrière, ils ne l'ont pas compris, ils ne l'ont pas mesuré, on ne leur a pas expliqué non plus. Il y a Luc Courcelles qui est venu les voir et qui leur a dit « Maureen Kearney est une petite syndicaliste toute seule qui n'a aucun pouvoir, qui s'est montée la tête, qui est dans un complot ». Avec Anne Louvergeon, il l'avait dit, il l'avait reproché à Maureen Kearney, et ça, ils l'ont pris au pied de la lettre. Je dirais qu'ils ne sont pas allés voir plus loin, ils n'ont pas entendu tous les amis et tous les syndicalistes proches de Maureen Kearney qui disaient tout à fait autre chose. Arnaud Montebourg, Maureen Kearney, a eu un rôle qui était plutôt de votre côté, de ce qu'on en a raconté, vous confirmez ? Oui, tout à fait. Ceci dit, pendant des années, pas de nouvelles de lui. Mais par contre, je ne sais pas si c'était Caroline ou si c'était la CFDT qui l'ont contacté avant le premier procès. Et tout de suite, c'était toi. Et tout de suite, il a fait un témoignage qui allait dans mon sens. C'est quelqu'un pour lequel j'avais beaucoup de respect. Et je l'ai encore beaucoup de respect pour cet homme. Caroline Michel Aguirre, est-ce que vous considérez, alors ce ne sont que des mots, mais après tout on en parle beaucoup, que Maureen Kearney est une lanceuse d'alerte ? On peut le penser. Elle dirait qu'elle a fait son travail et contrairement, je dirais, aux lanceurs d'alerte qui parfois vont aller prendre des données qui ne sont pas connues ou qui sont cachées ou dissimulées, qui les révèlent au grand jour. Ça n'est pas du tout ce qu'a fait Maureen Kearney. Et surtout, Maureen Kearney n'a jamais rien fait seule. C'est-à-dire qu'elle était le visage, le porte-parole, mais elle était l'expression du bureau du Comité de groupe européen. Toutes les décisions, toutes les initiatives qu'elle a prises, c'était toujours avec un mandat du bureau qui votait à l'unanimité de poser telle question, de réclamer tel contrat, d'engager telle ou telle action juridique. Et d'ailleurs, je peux en témoigner, puisque je l'ai vue plusieurs fois à l'époque, elle n'était jamais seule dans ses rendez-vous. Elle était toujours accompagnée. Bien, merci pour toutes ces précisions, Caroline Michel-Aguirre. Je rappelle que vous avez écrit donc le livre sur cette histoire qui s'appelle La syndicaliste chez Stock. Et merci infiniment, Maureen Carnet, d'être venue témoigner pour Affaires Sensibles, parce que, pour le coup, c'est vraiment une affaire sensible. Merci, merci madame. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui l'histoire de Maureen Carnet, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Merci à Clément Berman qui était à la technique aujourd'hui.